longtemps cru que tout ce que je fais pour toi, un jour tu m'aimerais, au moins un peu, au moins l'amitié. Un peu de caresse, un détour, te serrer dans les bras, et tout ce que je fais pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai cru, je croyais que ça allait. Pour toi et moi, j'aurais cru tu me prendrais moi pour ce que je ne suis pas. Tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi, et puis toi, tu me laisses là, je suis quoi au fond pour toi? Tu veux savoir tout sur moi? Tu veux savoir ce que je fais? Tu veux savoir? Mais en fait, tu ne me veux pas. On dirait que tu me contrôles et puis c'est tout. Aucun amour, aucun sentiment. Moi, je ne reçois aucun sentiment de toi. Que des reproches, que des ça ne va pas, fais pas comme ça, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça chez moi, comme ça que tu dis. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je fais pour toi, et toi, tu me laisses là. Rien, je ne reçois rien de toi, aucun sentiment, rien. On dirait que tu t'en fous de moi, mais après tu me contrôles, tu me surveilles, et au fait, tu ne me veux pas. Tout ce qu'on fait pour les autres qui ne servent à rien. Et puis voilà, tout ce qu'on fait pour les autres qui ne servent à rien. Et qui c'est qui fait quelque chose pour moi? Qui? Personne ne fait rien pour moi.